Brave petit soldat. Lorsque la carapace se fond, la peur s'installe à demeure avec ses copines, la honte et la culpabilité dans la moindre faille ainsi ouverte. Il suffit juste d'un moment d'inattention. Si Faustine parvient à rester sobre pendant de longues périodes, car elle a besoin de tout son entendement, il arrive que l'angoisse la submerge avec une telle violence qu'il lui est impossible de résister à l'appel de l'alcool. Julien va mourir. En clair, pas de genoux écorchés, pas de « Maman, regarde, je nage !» pas de « Maman, quand je serai grand, je me marierai avec toi !» Même pas sûr d'ailleurs qu'elle entende un jour le mot magique « Maman » sortir de sa bouche. A fortiori, pas de réunion de parents d'élèves, de courses d'école, de premier voyage en avion, de petits-enfants. Faustine n'a pas le choix. Elle prend la mesure de son impuissance. Mais savoir qu'une chose terrible va arriver, tout en ignorant quand, est indiciblement cruel. Faustine continue donc à trouver dans l'alcool un apaisement provisoire. Il calme ses angoisses jusqu'à la prochaine crise. Elle laisse couler ses larmes, mais le soulagement est insuffisant. Pourquoi n'existe-t-il pas de cellules de crise pour mamans en détresse? Il fait quoi, ce fichu bon Dieu? On va bientôt le savoir. Un samedi matin, enfin, ils ont rendez-vous chez la responsable scientiste chrétienne qui s'occupe d'eux à Paris. La dame vit en face de l'hippodrome d'Auteuil, avenue du Maréchal Lyoté, au rez-de-chaussée d'un immeuble tout en pierre de taille. Difficile de faire plus bourgeois. Faustine se dit que les marchands du temple n'ont pas tous été chassés. Elle prend sur elle. Aujourd'hui, elle est disposée à croire tout ce qu'on voudra. Puisque c'est une histoire de foi, elle est déterminée à jouer le jeu. La personne qui leur ouvre, petite cinquantaine joviale et reclète, jette à peine un coup d'œil à l'enfant avant d'introduire la famille dans un bureau imprégné de parfums d'encens. Elle les installe, prend place dans un fauteuil légèrement surélevé et leur sourit. Faustine se demande comment elle va s'y prendre. Sans leur poser la moindre question, elle leur enjoint de se concentrer et de prier avec elle pour la guérison de leur enfant. Cela dure une bonne demi-heure. Julien, miraculeusement, continue à dormir. « Voilà, madame, monsieur, nous allons clore la séance pour aujourd'hui. »« C'est tout ?» s'étonne Faustine. « Oui, c'est tout. » Pour aujourd'hui, le reste vous appartient. Quel reste? Le destin de votre fils est entre vos mains et celle du Christ. Tout va aller très bien, vous verrez. Vous voulez dire qu'il va guérir? Bien sûr. Sans rien faire de plus? Vous croyez en Christ? Oui, mais je m'attendais à... À quoi? Un résultat un peu plus... Plus quoi? Plus probant, plus visible. Écoutez, si vous avez vraiment la foi, votre enfant va guérir. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est que vous n'aurez pas assez prié. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous laisse déposer votre enveloppe dans la petite boîte pour la consultation. Tenez-moi au courant. Au plaisir. Faustine et Maxime sont estomaqués. La jeune femme pleure pendant tout le trajet du retour. Elle a compris que tout cela n'était qu'un marché de dupes et s'en veut beaucoup d'avoir eu le fol espoir qu'il restait malgré tout une chance à Julien. Non, bien sûr que non. Depuis sa visite au Memorial Hospital de Washington, elle aurait dû le savoir. Il n'empêche, pour l'heure, Julien est animé d'une immense joie de vivre et sa maman se promet de tout faire pour que son existence soit la plus belle possible. Parfois, il lui arrive de rêver que son fils grandisse, atteigne ses 20 ans, 30 ans même. Elle, qu'il y a encore peu, n'aurait jamais imaginé être capable de s'occuper d'un enfant handicapé, la voilà qui fourmille d'idées pour aider le sien à toutes les époques de sa vie. Elle lui construirait un dispositif de lecture, muni de tourne-pages automatiques. Elle lui ferait l'école à la maison, l'emmènerait visiter le monde. Aux âmes vaillantes, rien d'impossible. Pourvu qu'ils vivent, Seigneur, je t'en supplie. Le jour dit, Faustine prend la route du centre de Bullion. Cette clinique privée spécialisée dans les soins aux tout-petits atteints de maladies orphelines. Le charmant médecin qui la reçoit lui fait visiter les lieux. Faustine pensait avoir tout vu de la misère humaine à Charlottesville. Mais non, son fils est loin d'être unique. Tous ses enfants, et dans quel état! Elle ne visite pas les chambres, se contente de la piscine. Une poignée d'éducateurs s'ébat dans l'eau, chacun avec son petit patient. Le chef de clinique présente Faustine au thérapeute qui s'occupera de Julien. Les séances peuvent commencer dès le lendemain si elle le souhaite. Le temps d'acheter le maillot adéquat, Faustine revient. Dans les bras de l'éducateur, Julien ne semble pas vraiment inquiet, mais manifeste tout de même son désarroi en voyant sa maman partir. Faustine s'enfuit, coupable, la larme à l'œil. À son retour 2 heures plus tard, elle récupère un Julien dans un état d'anxiété épouvantable. Le thérapeute avoue n'avoir pas réussi à le calmer. À la vue des autres enfants, il a paniqué. Ainsi tombe à l'eau le projet de la piscine. « Maman arrive demain !» annonce Maxime un soir. « Tu n'aurais pas pu me prévenir plus tôt ? Le frigo est vide !»« C'est pas grave, nous irons faire les courses demain matin avant d'aller à la gare de Lyon. » Pour la première fois qu'elle vient, Angèle, toute pimpante, mise en clis parfaite, a vite fait d'investir la maison. Elle la visite du garage au grenier et ne tarit pas de compliments. Le buffet, livré récemment, trône en bonne place dans le salon. Si le reste de l'ameublement laisse à désirer, la table de la salle à manger est en bonne voie. Maxime est en train d'y installer des chevilles. Il tient à ce que ces assemblages soient invisibles. Il est hors de question d'insérer un seul morceau de métal dans son œuvre d'art. En attendant la touche finale, on mangera au jardin, sur la vieille table en fer forgé abandonnée par les anciens propriétaires. On y est bien dans ce jardin. Maxime a encordé le hamac autour du pommier et fixé l'autre extrémité à un crochet vissé au mur de la maison. Le lendemain, Faustine décide d'emmener Angèle visiter le patelin. Elles installent Julien dans la poussette, se dirigent vers le centre. Hélas, chez le boucher, bébé se met à tousser violemment. Les deux femmes tentent un massage, mais la situation empire de minute en minute. « Monte à la maison, je te rattrape !» lance Faustine à Angèle. « Dépêche-toi, je ne sais pas comment le soigner, moi !» Et Angèle de courir, et Faustine de se précipiter. Elle bouscule tout le monde, « Laissez-moi passer, cas de force majeure !» Angèle est déjà hors de vue lorsque Faustine entame la grimpée. Chargée comme un baudet, elle court aussi vite qu'elle le peut. Arrivée à 200 mètres de la maison, elle entend sa belle-mère crier. « Au secours! À l'aide! Aidez-moi! J'arrive! Tiens bon, j'arrive !» hurle Faustine, qui lâche tout dans le corridor et se précipite à l'étage. Julien est en train de tourner au bleu. Ce n'est pas bon, pas bon du tout. « Vite !» Faustine enclenche l'aspirateur et désencombre son enfant. « Allez, mon bébé, respire! Je t'en prie, respire! Reste avec moi! Ne pars pas, pas encore !» Tu dois rester, au moins jusqu'à mon anniversaire. Je t'en prie, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Ne me laisse pas, pas maintenant. Je ne suis pas prête. Il ne faut pas moins de 5 minutes pour que Julien retrouve ses couleurs et son merveilleux sourire. On a réussi, ressuscité bébé. Bravo, exulte Faustine en tirant la langue à la Camarde qui s'éloigne. Provisoirement. Mère et grand-mère dansent de joie. Tout le monde rit et pleure à la fois. Puis il est temps de passer aux choses sérieuses et de préparer le repas. Julien, depuis son transat, participe du geste et de la voix. L'alerte est passée. Le 15 août est tout proche. Bébé est encore là. Il a tenu sa promesse. Champagne et gâteau pour l'occasion. La table de la salle à manger est assemblée. Il ne lui manque plus que le vernis. C'est vraiment un beau meuble. On installe le bibi relax dessus, à côté de la bouteille et des bougies. Angèle a mis le paquet. 29 bougies célèbrent l'événement. Faustine se dit que peut-être Julien sera là pour son 30e anniversaire. Qui sait? Encore quelques jours et Angèle s'envole vers son Limousin natal, laissant la chambre à Daphné. À 17 ans, la jeune fille est en terminale et doit passer son bac avant d'intégrer une fac ou une grande école. Ne s'entendant plus très bien avec sa mère, elle souhaite vivre avec son père, puisqu'il est définitivement rentré au pays. Afin que sa présence ne pèse pas trop sur les épaules de Faustine, Maxime inscrit sa fille dans un internat à Versailles. Elle y restera la semaine. Ses formalités effectuées, Daphné retourne à Cagnes, préparer ses affaires en attendant la rentrée. Depuis qu'ils sont en métropole, Maxime ne joue presque plus. Par contre, ils accueillent volontiers les rares amis musiciens qui n'ont pas peur de leur rendre visite. La maladie, comme la mort, font peur et sont répulsives. Quand elle a des invités, Faustine se remet au fourneau avec plaisir. Cela la distrait de ses angoisses récurrentes. Mais est-ce dû à la présence des visiteurs ou au choix des menus qui systématiquement nécessitent une bonne dose de vin rouge? Un matin, Faustine est seule à la maison quand Julien a une nouvelle crise. Elle tente de l'aspirer, de le masser, rien n'y fait. Cette fois, elle est totalement impuissante. Elle sent la peur qui monte insidieusement. Il reste un fond de whisky dans la dernière bouteille. Cela désinhibe suffisamment Faustine pour qu'elle ose appeler son voisin de gauche, priant le ciel qu'il soit là. C'est une femme qui répond. Faustine tente d'expliquer au mieux ce qui se passe. Manifestement, la voisine attribue la confusion de la jeune femme à l'état de son bébé. Elle accepte immédiatement de les emmener à l'hôpital d'Orsay. Quelques secondes plus tard, ils roulent. Vite. 15 minutes de plus et Julien est pris en charge par une équipe de soignants efficaces. On ne permet pas à sa mère de l'accompagner. Elle attend dans le couloir. 10 minutes, un quart d'heure. Ici aussi les murs sont verts, moisissures et suintent la tristesse. Faustine pleure. Une fois de plus, elle a oublié ses mouchoirs. Une infirmière vient la chercher pour les formalités administratives. Celle-ci accomplie, on l'autorise à utiliser le téléphone de l'étage. Elle appelle Maxime, lui explique la situation. « Tiens le coup, j'arrive dès que j'ai fini. J'en ai plus pour longtemps. Tout va bien se passer, tu verras. »« Qu'est-ce que t'en sais ?» se dit Faustine de plus en plus inquiète. Enfin, la porte s'ouvre. On lui ramène son enfant. Endormi, mais serein, il a repris ses couleurs. « Que s'est-il passé? Comment avez-vous fait ?»« Rien de plus que vous. On a juste du matériel performant. » L'équipe est formidable, la doctoresse passe en coup de vent. Nous allons le garder un jour ou deux en observation. Il a perdu beaucoup de poids. Oui, j'ai vu. Vous pourriez m'apprendre à le nourrir à la sonde. Vous êtes sûre de vouloir le faire? Vous ne serez pas trop impressionnée? Oui, je suis sûre. C'est devenu trop difficile de le nourrir autrement et c'est insupportable de le voir dépérir ainsi. Il faut absolument que vous m'aidiez. Maxime arrive sur ses entrefaites. Dès qu'il a embrassé son fils, on dirige le couple vers le directeur de l'hôpital. Il souhaite parler aux parents de Julien et n'y va pas par quatre chemins. Votre enfant est tiré d'affaire pour cette fois, mais vous connaissez l'issue de la maladie. Oui. Peut-être que nous pouvons vous aider. Vous n'êtes pas obligé de subir le lent déclin de votre enfant. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous le laisser et nous vous contacterons sitôt que tout sera fini. Comment ? Maxime s'étrangle, Faustine sursaute. Ils ont mal entendu, sans doute. Vous voulez dire que vous allez l'euthanasier? Mais non, bien sûr que non. Simplement laisser faire la nature, sans acharnement thérapeutique. Je comprends, docteur. Nous ne sommes pas non plus pour l'acharnement thérapeutique. Mais on nous a dit que notre fils avait une espérance de vie de 2 ans. On a beaucoup exagéré. À ce stade, le décès peut intervenir à tout instant. Rares sont les bébés atteints de cette affection qui survivent à leur première année. C'est bien ce que nous avions compris. Mais en attendant, il ne souffre pas. Aussi longtemps que nous le pourrons, nous tenons à nous occuper de lui. À votre guise, je n'insisterai pas, mais sachez que cela peut arriver à tout moment. Il faut que vous y soyez préparés. Nous le sommes. En attendant, pouvez-vous organiser un couchage pour mon épouse? Elle restera auprès de notre fils. Pendant que Julien se repose, Maxime file chercher quelques affaires. Ce soir-là, les émotions ont raison de Faustine, qui s'écroule de fatigue à côté de son petit. Le lendemain, l'infirmière explique à la jeune maman comment insérer une sonde jusqu'à l'estomac de son enfant. Étant donné sa taille, il est impossible d'utiliser une sonde nasale. Faustine apprend donc à introduire un tuyau souple directement dans la trachée. Il faut faire très attention de ne pas blesser l'enfant en allant trop vite dans le fond de sa gorge. Si on voit qu'il saigne, il ne faut pas insister. Faustine s'applique. Elle tient à accomplir le geste parfaitement, persuadée que si elle peut nourrir Julien correctement, il aura plus de force pour affronter sa maladie. Le soir même, Maxime vient récupérer femme et enfant. « On rentre à la maison !»